mwen ayi. L'autre bout de ça dans jour mwen parti. Ça qu'a fait 20 ans mwen ici. Laisse-moi en cahier dans l'oubli. Mwen se rivi ou elle la famille. Rivi ou elle les amis pour fini. Montrer au sa mwen divini. Acheter mon soupe en dikai. Ça serait mwen mi belle bagaille. M'en c'est déviré au pays. Hey, hey, pour tes ça qui ouais moi grandi. Hey, hey, ça qu'a fait 30 ans moins ici. Hey, hey, avant qu'il a vu moi fini. Rentrez pour elle si ça bien pris. Y'a des qui pays a changé. Nous pas mêler, nous pas garder. Qui chimène, t'es qu'un signe. Je dis nous nécropolitaine. C'est viré, je m'en bâti. Oubliez ça qui fait ici. Et je m'en ai eu tout à vivre. Pièce piquée, virée au pays. Albe maillé et Fatima, j'ai changé de nom, c'est bon ça. Nicole Bati et Pidjib, il rompait, choisi la vie facile. On se lit les cafés, on laisse à nos affaires. M'en paie pas viré au pays. Nous sa café sont en moins ici. Mi maman m'en paie pas dormi. Passé l'hiver en vieux zombie. Passé l'hiver en vieux zombie.